mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Hamster de Tariq Nour. On en est à combien, là? 202. Voilà, 202 tours, c'est une bonne distance, hein. Ça doit faire dans les combien, en kilomètres? On s'en fiche de la distance. C'est le nombre de tours qui compte. Ouais, c'est pareil, tour, distance, c'est pareil au final. Ah non! Tu vas pas recommencer encore. Je t'ai déjà dit qu'une distance, c'est quand on avance. Parcourir une distance, c'est fait pour voir des paysages. Affronter du relief, de l'imprévu, c'est des ralentissements et des accélérations. C'est ça, parcourir une distance, tu vois, c'est taper des dénivelés et des faux plats, des chemins avec des bosses, du gravier, d'un seul coup d'un seul, on passe sur le bitume. Tu vois ce que je veux dire? Là, on est dans les tours. Les tours. Sans surprise. Je comprends mieux, là. Non. Non, tu comprends rien. Ou alors t'oublies. Non, parce que sinon tu me poserais pas ce genre de questions. Non, ici, on n'est pas dans le grandiloquent. Dans le m'as-tu vu? Alors, regarde les autres, là. Qui courent en faisant le tour du parc. Alors, on est dans la régularité du pas. Faut penser à l'arpenteur. Tu sais comment on choisissait les arpenteurs? Non, mais je sens que tu vas me le dire. Les pas réguliers. Comme ça qu'on les choisissait. Le type ne changeait jamais de cadence, d'amplitude, rien. Tu crois qu'on fait quoi là, à courir autour de ce banc? Du footing? Du jogging? Qu'est-ce qu'on fait d'après toi? Je sais pas, du footing, non? On fait de l'arpenting. De l'arpenting, parfaitement, madame. Ah bah oui. Pourquoi pas, hein. Moi, surtout, je trouve que l'avantage de l'arpenting, c'est que ça m'éloigne pas trop de chez moi, en fait. C'est mieux si je dois rentrer vite. On est à combien de tours, là? Attends. Qu'est-ce qui se passe? T'en as marre de l'arpenting? Je crois que je viens d'avoir une idée révolutionnaire. Ah, quand même. Il y a encore trop d'inconnus dans l'arpenting. Tu vois? On se retrouve un coup à gauche du banc, un coup derrière, et puis à droite, et ensuite devant. On tourne autour d'un banc, quoi. Oui. Il y a vraiment trop de changements. On va aller plus loin. Plus haut! Tiens, monte sur le banc avec moi. Voilà. Regarde ça. Mais regarde cette vue. Tu contemples le monde qui te contemple. Maintenant, tu fais comme moi. C'est ça l'idée. Courir sur place sur ce banc, c'est tout? Énorme, hein? Le surplacing sur banc. Plus de surprise. La maîtrise totale du rythme. Fini le paysage qui défile. Fini la peur de s'arrêter en plein milieu d'une forêt ou d'une route et plus avoir la force de rentrer. Tu te rends compte? Tous ces gens qui se traînaient pour rentrer, marchant tête basse. C'est fini, cette hantise, cette humiliation d'être laissé au bord de la route par des plus forts, les plus rapides. Il y en a marre de courir comme des bêtes traquées par le chronomètre sans but. Tu trouves pas que c'est absurde? Hein? Aller de l'avant sans avoir de but. Oh, autant rester sur place. On fait du bien à son corps. Et on a plus cette angoisse sourde que chaque coureur porte en lui. Est-ce que j'aurai la force de rentrer chez moi? Ben là, on peut pas dire que le paysage défile vite quand même. Hein. C'est bien simple. Je viens de révolutionner le concept de course à pied. Énorme. Oh, regarde, une colombe. On devrait peut-être fermer les yeux pour pas se faire distraire. En plus, ça reposerait les yeux, tiens. Moi, si je ferme les yeux, je tombe. C'est simple, hein. Je tombe. C'était Hamster de Tariq Nui avec Judith Henry et Claire Dumas. Conseillère littéraire, Céline Geoffroy. Bruitage, Sophie Bissens. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levacher et Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois. Sur les bancs est une coproduction de France Culture et Gédéon. Sur une idée originale de Thomas Baumgartner.